Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Campus FM 94 FM pour une nouvelle émission du Nid de Pie. Merci d'être toujours à l'écoute. Aujourd'hui, dans la chronique, je vous cause d'idées reçues sur le comportement des reptiles. Car oui, serpents, lézards et autres crocodiles ne sont pas aussi solitaires qu'on le dit. J'aurai ensuite la chance de recevoir Jessica Cote, post-doctorante au laboratoire EDB, évolution et diversité biologique, rattachée au CNRS et à l'université Paul Sabatier de Toulouse. Elle nous parle de sa spécialité, les poissons d'eau douce, et d'un projet de science participative entièrement dédié à un gecko bien précis, la tarente de Maurétanie. Bonjour Jessica, et merci d'être avec nous aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti! Les stars des vidéos mignonnes d'Internet sont incontestablement des mammifères choupis et fluffy à souhait. Des animaux doudous aux formes moelleuses et touffues, du chat qui règne en maître, en passant par les toutous de tout poil, raton laveur malicieux, loutre hyperactive et autres capybaras rondelets qui affolent les compteurs de likes. Si votre truc, ce sont les écailles, eh bien, je vous le dis sans détour, vous pouvez repasser. Personne ne s'enthousiasme devant un gecko mignon, un iguane nonchalant ou un boa curieux. La faute, sans aucun doute, à des croyances ancestrales et bien ancrées qui donnent aux reptiles, serpents corrupteurs en tête, le mauvais rôle de nos histoires. Je vous invite, si le cœur vous en dit, à prêter une oreille à la chronique de l'épisode numéro 39, où je vous présente différentes représentations de serpents à travers les âges et les continents. Vous allez voir, ils en prennent pour leur grade. Encore aujourd'hui, plusieurs idées reçues surprenantes subsistent. Certains croient par exemple que les serpents se retrouvent dans les étables pour boire au pis des vaches. Et ça ne date pas d'hier. Pline l'Ancien en faisait déjà mention il y a 2000 ans dans son Histoire naturelle. Cette légende est si bien ancrée qu'elle a même donné son nom commun à un serpent américain, la couleuvre faux corail, Lampropeltis triangulum, également appelé serpent laitier ou milk snake en anglais. La vérité est bien entendu tout autre. Les serpents, même s'ils le souhaitaient, ne sont pas équipés pour digérer le lactose, le sucre principal du lait. Ils ne possèdent pas de lactase, l'enzyme nécessaire pour le couper et l'assimiler. Si on les trouve dans les étables, c'est plutôt pour profiter de la chaleur ambiante dont ils ont besoin pour rester actifs, et des mulots qui y pullulent. Alors, on dit merci qui ? Parmi les autres croyances qui font passer les reptiles pour des animaux vraiment peu fréquentables, il y a celle qui les dépeint comme des animaux solitaires, agressifs et comme des parents absolument indignes qui laissent leurs petits sans assistance. Les tortulutes ne chantent pas de berceuse à leur bébé. C'est vrai, mais comme toujours, quand on prend la peine de se pencher un peu sur le sujet et de passer outre ces idées préconçues, on découvre que les écailleux sont bien différents de ce que l'on imagine souvent. Par exemple, certains sont de grands romantiques aux effusions bruyantes. Dans un article paru en 1977 dans The American Zoologist, Leslie Garrick et Jeffrey Lang ont décrit en détail les parades amoureuses des crocodiles et des alligators qui se révèlent plus sophistiqués qu'on ne pourrait l'imaginer. Ces grands sentimentaux combinent à la fois des caresses délicates en pressant leur museau ou leur tête contre celle de leur partenaire et poussent des cris qui évoquent la quinte de tout, mais en duo. Ils parachèvent leur démonstration par une danse de l'eau, au cours de laquelle ils émettent des grognements graves à très basse fréquence, en s'immergeant partiellement dans l'eau. Alors qu'ils gardent le dos et la tête hors de l'eau, les vibrations de leurs grondements forment des gouttelettes qui sont projetées tout autour de leurs flancs, comme un feu d'artifice aquatique. Dans son livre paru en 2020 sur les alligators, Kent Vliet souligne que la parade chez les alligators américains est un vrai travail d'équipe, mais en différé. L'un parade pendant que l'autre le regarde, puis celui qui était passif devient actif. Les deux sexes semblent aussi impliqués dans ce jeu de séduction complexe. Assurément, les crocodiliens font mentir ceux qui font passer les reptiles pour de mauvais parents, car ils ne font pas les choses à moitié. Les mamans patrouillent et surveillent farouchement l'emplacement de leurs œufs. Elles protègent même leurs petits pendant plusieurs semaines avant qu'ils ne deviennent indépendants. Une communication acoustique subtile s'est même instaurée entre les bébés et leur mère. Et ça, même avant de percer leur coquille. Il a été observé que les embryons dans l'œuf poussent des cris caractéristiques avant d'éclore. Dans un article paru dans Current Biology en 2008, Amélie Vergne a diffusé ces cris pré-éclosion à d'autres œufs et à des femelles crocodiles adultes. Toutes les femelles de l'étude ont réagi au moins en bougeant la tête ou le corps en entendant les cris, et 8 femelles sur 10 se mettent à creuser dans le sable lors de la diffusion. Ce comportement n'est quasiment pas provoqué quand la chercheuse diffuse du bruit, différent de ses cris d'embryon, ou lorsque l'expérience se fait en conditions silencieuses. Quant aux embryons, dans les œufs, eh bien ils se mettent à vocaliser dans près de 80% des diffusions de cris avant éclosion, et 60% d'entre eux s'agitent même dans leur coquille. Il est suggéré que ces cris permettraient une éclosion synchronisée des œufs. Ils attireraient la femelle adulte, susceptible de venir ouvrir le nid, ce qui aiderait les petits à en sortir. Bien qu'en dehors des crocodiliens, les soins parentaux des reptiles sont rares, ils existent bel et bien. Certains lézards et serpents protègent leurs œufs et les maintiennent au chaud, et d'autres vont jusqu'à surveiller les petits jusqu'à leur première mue. Une protection rapprochée et coûteuse. On observe ces comportements de maman poule chez des animaux que l'on imagine redoutables. C'est le cas du crotale des bois, Crotalus horridus, un serpent d'Amérique du Nord au venin ravageur et à l'agressivité minimale. Un article publié en 2018 dans le Northeastern Naturalist par Peter Mühlmann et ses collaborateurs a suivi les mouvements de femelles crotales et de leurs nouveau-nés en utilisant des radioémetteurs. Même s'ils ont pu suivre qu'un petit nombre d'individus et que plusieurs émetteurs se sont détachés au cours de la manip, il faut dire qu'une peau de serpent, ça glisse. Ils ont pu observer des comportements intéressants. Après la naissance, la mère crotale quitte le refuge temporaire qui lui sert lors de la naissance, et les petits restent entre eux, seuls, pendant plusieurs jours. Mais quand les serpentaux se mettent en route et quittent leur lieu de naissance, la majorité d'entre eux rejoignent le nouvel abri de leur mère. Il est suggéré qu'ils s'orientent grâce à une trace chimique laissée par la femelle. Est-ce que ce chemin odorant est laissé volontairement ? Là réside encore toute la question. Mais les super champions de la socialité et de la vie en communauté sont des lézards grassouillets australiens de la famille des 5. S-C-I-N-Q-U-E-S. Et non pas 6, je vous vois venir. Trapus, épineux et équipés d'une queue aussi large que le reste de leur corps, les 5 de Stokes, Egernia Stokesi, ne payent pas de mine. Et pourtant, ils remettent en question tout ce qu'on pouvait imaginer sur la vie collective des lézards. Comme cela a été décrit dans un article publié par Glenn Duffields et Michael Bull dans le journal Naturwissenschaften en 2002, nos 5 forment des groupes sociaux assez stables qui comptent entre 2 et 17 individus. On y trouve un couple de parents, fidèles, parfois accompagnés de quelques autres adultes de la même famille et plein de bébés et d'adolescents d'âges différents. Les petits grandissent très lentement. Il leur faut plus de 5 ans pour atteindre la maturité, et ils se la jouent tanguy en squattant leurs parents tout ce temps. Les membres du groupe dorment ensemble dans des crevasses communes et surveillent conjointement le territoire pour se prévenir de l'arrivée du moindre danger. Une autre étude publiée en 2000 dans le Journal of Herpetology, toujours par l'équipe de Michael Bull, a démontré que nos 5 se reconnaissent à l'odeur. Quand on leur présente des papiers imbibés de senteurs de congénères du même groupe social, ou d'un autre groupe, ils répondent plus fortement quand l'odeur vient d'un 5 extérieur à leur famille. Les individus testés restent plus longtemps en contact et sortent beaucoup plus souvent la langue pour analyser la senteur de l'intrus. Plus fort encore, les mères reconnaissent leurs petits, même si on les a séparés à la naissance, ce qui laisse là encore présager d'un rôle essentiel de la reconnaissance par les odeurs. Tout ça donne envie de se mêler à cette joyeuse vie de famille et de rejoindre le club des 5. Au final, la vie sociale des reptiles semble bien plus diverse et complexe que ce que l'on a longtemps imaginé. Mais comme le suggère l'article publié en 2012 par l'équipe de G. Doody dans le journal Ethology, Cette méconnaissance est probablement due à nos biais d'humains. Longtemps craint, les reptiles n'attirent ni les foules, ni les financeurs. En conséquence, il y a donc bien moins d'études à leur sujet, par rapport par exemple aux oiseaux ou aux mammifères. Leur éloignement évolutif vis-à-vis de nos habitudes et nos codes d'animaux poilus creuse encore plus le fossé entre nous. Dépourvus d'expressions faciales, on les pense dénués d'émotions, et une grande partie de leur communication qui se joue sous nos yeux nous échappe complètement puisqu'elle repose en grande partie sur des échanges chimiques indétectables pour nos sens humains. D'ailleurs, écoutez. Tendez l'oreille. Entendez-vous ce chuintement chuchotant? Du bout de leur langue, lézards, serpents et autres reptiles ont une requête sifflante. Cessez le délit de faciès. C'est dit. Et nous revoici avec notre invitée, Jessica Cote, postdoctorante au laboratoire EDB, Évolution et Diversité Biologique, de l'Université Paul Sabatier de Toulouse. Elle nous parle de son parcours et de ses expérimentations dans les rivières de France, avant de nous présenter un projet de science participative dédié à la tarente de Maurétanie. Alors, avant de nous intéresser à cette fameuse tarente plus en détail, je voulais un peu revenir sur votre parcours, qui vous êtes, d'où vous venez. J'ai cru comprendre que ce projet, c'était pas votre recherche principale. Alors, je voulais savoir sur quoi travaillez-vous à EDB en ce moment? Alors, bonjour. Oui, je travaille actuellement. Je suis en postdoctorat avec Gaëlle Grenouillet et Sébastien Brosse, donc au laboratoire EDB. Et je m'intéresse à l'effet des perturbations anthropiques sur les communautés de poissons en France. Donc, les effets anthropiques, c'est tout ce qui est les activités humaines? Exactement. C'est ça, voilà. Ouais. Donc, les activités liées à l'homme et les conséquences qu'elles peuvent avoir sur les rivières et comment elles vont impacter les communautés de poissons, la présence de certaines espèces, au contraire, l'absence d'autres. Et ça, comment est-ce qu'on l'observe? Est-ce que ça veut dire qu'il faut que vous alliez dans des rivières, que vous attrapiez des poissons pour voir ce qui se passe? Comment est-ce que vous faites pour mesurer l'impact de l'effet de l'homme sur ces animaux-là? Alors, ça, effectivement, c'est ce qu'on peut faire, mais c'est pas nous qui réalisons ce travail. Là, on travaille avec l'OFB. Donc qui travaille depuis des années sur une des branches de l'OFB, travaille sur la récolte de données sur les poissons, notamment des occurrences. Et donc du coup, on a un jeu de données où on a des présences absences d'espèces sur des abondances même là d'espèces sur plusieurs années. Et donc on travaille directement sur ces jeux de données là qui nous permettent de savoir quelle espèce est présente et en quelle quantité. Et donc, les poissons. Donc, vous vous intéressez au côté écologie, c'est-à-dire comment est-ce que les poissons vivent avec l'environnement et comment est-ce qu'ils supportent plus ou moins bien nos perturbations. Par le passé, vous avez aussi travaillé à plusieurs reprises sur d'autres sujets liés aux poissons. C'était quoi vos sujets de recherche? Oui, alors effectivement, je suis spécialisée dans les poissons d'eau douce. Donc, j'ai fait ma thèse à l'INRA de Rennes en écologie évolutive où je me suis intéressée aux capacités d'adaptation du saumon atlantique, donc au stade embryonnaire. Donc ça, c'était pendant ma thèse. Et ensuite, j'ai enchaîné avec plusieurs postdoctorats à Toulouse. Et toujours principalement sur les poissons. Donc d'abord, une approche écologie des communautés, déjà avec Gaëlle Grenouillet, avec qui je travaille actuellement. Et puis ensuite, avec Lisa Jacquin, avec laquelle j'ai vraiment plus opté pour une approche individuelle et populationnelle, où on s'est vraiment intéressé à l'effet de stress environnementaux sur les réponses physiologiques et phénotypiques, c'est-à-dire visuelles, observables, sur une espèce de poisson qui est le goujon occitan. Et donc ce goujon, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce poisson-là? C'est un poisson qu'on trouve un peu partout, qui est répandu. Pourquoi est-ce que ce poisson-là était intéressant pour les questions que vous vous posiez? Alors en effet, oui, c'est un poisson assez répandu, en tout cas en Occitanie, où on trouve dans beaucoup de rivières. Et c'est une espèce un peu sentinelle parce qu'elle va vraiment répondre à l'environnement et on observe une certaine variabilité, qu'elle soit morphologique ou de coloration, mais aussi sur d'autres traits. Donc du coup, on voulait un petit peu savoir comment elle pouvait répondre à des stress environnementaux divers. Donc ça veut dire que ce poisson-là, s'il est soumis... Alors vous parlez de stress environnementaux, est-ce que ce sont des changements de température? Est-ce que c'est la composition de l'eau? Qu'est-ce qui va l'impacter? Mais du coup, on peut voir à l'œil nu des changements de couleur, de forme, selon les milieux dans lesquels on trouve ce poisson? Alors c'est ce qu'on a montré avec Lisa, c'est que on a focalisé sur l'eutrophisation, c'est-à-dire les activités humaines, notamment agricoles, génèrent une augmentation de la matière organique dans certains sites, certaines rivières. Du coup, du colmatage, donc moins d'oxygène qui est disponible pour le poisson. Et donc du coup, c'est vrai qu'effectivement, ce qui nous intéressait, c'était de voir comment l'eutrophisation pouvait, si on pouvait observer des différences en fait de morphologie et de coloration entre des sites eutrophisés. Et des sites non eutrophisés. Et c'est vrai qu'effectivement, notre étude a montré qu'on avait des poissons un peu plus trapus, un peu plus gras en fait aussi, puisqu'on a travaillé aussi au niveau physiologique. Et on a montré que c'était des poissons qui étaient plus riches en lipides dans les sites dits eutrophes, en comparaison de sites non eutrophes où les poissons étaient potentiellement plus allongés et plus fins. Donc dans ces zones d'eutrophisation, donc là où en effet il y a des matières organiques, etc., donc l'eau est moins claire. Oui, absolument. Et pourtant on pourrait se dire que c'est plus compliqué, parce que j'imagine le goujon c'est un animal qui est carnivore, il mange d'autres poissons ou il mange des végétaux? Alors c'est un petit peu... Non, ça va pas manger d'autres poissons, c'est vraiment un petit poisson, donc c'est un poisson qui va manger ce qu'il retrouve au fond de l'eau. Okay. Donc voilà, oui, c'est plus benthique en fait, ouais. Mais mine de rien, donc ça veut dire que ça a un impact sur la façon dont il se nourrit, s'il est plus gras dans certaines zones Alors potentiellement, c'est que il y a une ressource qui est importante, mais c'est pas forcément une ressource en tout cas qui lui apporte de la protéine. Ou, voilà, c'est ça qui est vraiment ressorti dans notre étude, c'est que oui, on avait des poissons qui étaient plus gros, qui avaient même ce qu'on appelle une meilleure condition corporelle, parce que ils étaient plus gros, et en fait cette condition corporelle, elle était liée finalement en fait à un apport de lipides qui était plus important, donc pas forcément quelque chose de forcément positif pour un poisson en milieu naturel. Et voilà. Pareil, du coup, pour ces mesures-là, ça veut dire que vous allez en rivière, vous allez dans des sites donc où l'eau est plus trouble parce qu'il y a eutrophisation, et d'autres sites que vous avez vus en amont, et vous pêchez, vous récupérez les poissons pour les mesurer. Comment ça se passe? Alors, ce travail avec Lisa, c'est un travail qui était financé par l'Agence de l'eau et qui était vraiment très exploratoire. Et on a du coup, effectivement, eu un gros travail en amont, elle et moi, sur la caractérisation des sites. Donc ça, on s'est basé sur des données qui sont fournies par l'Agence de l'eau sur la composition, enfin, ce qu'on peut retrouver comme substance dans l'eau. Et aussi, on s'est basé sur l'occupation de l'habitat. C'est-à-dire, en deux mots, est-ce qu'on est plutôt sur des sites qui sont à dominante naturelle, ou au contraire urbanisés, ou agricoles. Donc du coup, on s'est retrouvé avec des sites un peu des trois types d'occupation d'habitat. Et une fois qu'on avait sélectionné ces sites-là, bah, ça a été un peu la découverte. On est effectivement allé sur les rivières. Et on a pêché, donc avec Lisa qui est quand même assez dynamique concernant la pêche, donc ça a été beaucoup d'aide pour moi sur ce post-doctorat. Et donc du coup, on a capturé effectivement beaucoup de poissons en 2016, donc ça a vraiment été une année de terrain. Et puis ensuite, l'année 2017, on a fait des approches de transplantation réciproque, où là on a regardé quand on transplantait un individu dans un autre habitat, est-ce qu'il y avait des changements physiologiques et phénotypiques rapides. Ah oui, mais donc ça veut dire que si vous déplacez votre poisson d'un milieu où l'eau est trouble, un milieu avec l'eau claire, ça veut dire que vous aviez des systèmes d'aquarium dans la rivière? Comment ça se passe? Parce que votre poisson, il faut le retrouver. on peut pas le laisser dans la rivière du Savi si on veut pouvoir mesurer ensuite. Donc vous aviez des systèmes de boîtes d'aquarium, comment c'était? C'est ça, c'était des cages en fait qu'on avait construites au préalable et qu'on a mis dans la rivière pendant 15 jours. Donc oui, c'était on venait régulièrement les nettoyer, parce que le risque de colmatage faisait que potentiellement les poissons auraient pu mourir à l'intérieur si on n'avait pas nettoyé régulièrement. Donc voilà, donc oui, c'était un système de cage. Mais ce système de colmatage, ça veut dire que si l'eau stagne, il y a moins d'oxygène, c'est ça? Voilà, exactement. Okay. Si l'eau stagne, enfin le courant permet aussi d'oxygéner l'eau, donc forcément, dans certains sites, notamment très eutrophes, il fallait vraiment faire attention à ce que le colmatage n'encrasse pas trop les cages. Parce que vos poissons, du coup, l'idée, c'était de faire des mesures, et après, ils retournent dans la rivière et vous les laissez vivre leur vie. Et c'est ce qui s'est passé, oui, pour l'approche de transplantation réciproque. L'idée, c'était de faire des mesures. On a prélevé du sang, on a prélevé du sperme, on a fait des photos, on a prélevé plein de choses, et puis ensuite, on les a laissés reprendre leur vie, oui. Non, mais c'est intéressant, parce que c'est vrai que les poissons, on sous-estime beaucoup, alors que ce sont quand même des animaux qui sont très sensibles à la qualité de l'eau, que ce soit en nutriments, en oxygène, et ce sont comme vous le disiez, des sentinelles sur l'état de nos cours d'eau, donc on les oublie souvent qu'ils ont leur rôle à jouer. Ce sont de bons indicateurs, en effet. D'ailleurs, l'OFB travaille régulièrement sur les poissons en tant qu'indicateurs. Et c'est mon postdoc actuellement, c'est aussi de regarder comment on peut améliorer ces indicateurs, enfin ces indicateurs poissons en tout cas. Comme vous le disiez, vous travaillez à la fois au niveau individuel avec ces changements, morphologie, etc., mais aussi au niveau populationnel. Et ça, pour le coup, donc, c'est ce que vous disiez avec l'OFB, l'Office français de la biodiversité. C'est-à-dire que là, vous êtes plus sur un inventaire de toutes les espèces qu'on peut trouver dans un milieu donné comme... Alors, avec l'OFB, oui, c'est plus un travail à l'échelle des espèces et des communautés. Avec Lisa Jacquin, le travail que j'ai réalisé était à l'échelle de l'individu, mais aussi de la population, puisqu'on regardait si, dans un même site, on avait une population qui répondait différemment ou pas. Là, dans le cas de l'OFB, effectivement, on est plus sur une approche pure écologie, où on a un inventaire. Et donc, du coup, dans le cadre du postdoc avec Gaëlle Grenouillet et Sébastien Brosse, on essaye d'améliorer les indicateurs et de voir comment les indicateurs, surtout, répondent aux pressions environnementales. C'est un très beau projet. J'espère qu'après, ça peut avoir des débouchés pour essayer de voir comment améliorer notre cohabitation avec ces petites bêtes. Mais voilà, ça vous éloigne quand même... beaucoup entre les poissons, les torrents et notre fameuse tarente. Du coup, je me demandais un petit peu comment est-ce que vous est venue l'idée et l'envie de travailler sur cet animal radicalement différent qu'est la tarente de Maurétanie. J'aime bien travailler sur des modèles biologiques différents. Déjà, pendant ma thèse, j'avais travaillé beaucoup sur des invertébrés aquatiques aussi. Là, comment c'est venu, c'est que j'ai un collègue. Donc, ce projet, c'est pas un projet que je porte moi-même. On est co-porteurs ensemble du projet. Donc, Louis San José, qui est postdoctorant lui aussi au laboratoire EDB et qui travaille lui avec Julien Cotte et qui s'intéresse aux déterminants génétiques de la dispersion chez le lézard vivipare, donc chez un reptile, et sur sa capacité d'adaptation au changement climatique. Et donc, Louis et moi, chacun de notre côté, nous avions vu que la tarente de Maurétanie était de plus en plus présente à Toulouse. On l'observait de plus en plus. Et au fil des discussions scientifiques, on s'est rendu compte que finalement, il y avait plein de questions qu'on se posait sur cette petite bête et que personne ne pouvait vraiment y répondre, parce qu'en faisant la biblio... Ça reste une biblio assez faible encore sur l'espèce. Et donc, petit à petit, on a décidé de monter un projet pour essayer de comprendre qu'est-ce qui pouvait expliquer l'expansion de la tarente de Maurétanie en France. Donc oui, l'idée principale de votre recherche, vous aimeriez surtout comprendre où elle vit et quelle est sa zone géographique d'habitat et si elle s'étend ou non, si c'est lié au changement climatique ou non, c'est ça? Exactement, c'est ça. L'idée, c'est vraiment de caractériser sa présence parce qu'en fait, finalement, en France, elle n'est pas forcément si bien caractérisée que ça. Donc l'idée, c'est vraiment de caractériser sa présence et puis de comprendre quels sont les facteurs, qu'ils soient globaux ou un peu plus locaux, qui peuvent expliquer la présence de la tarente. Sachant que cette tarente, on va y revenir, elle est surtout habituée au milieu méditerranéen un peu chaud. On la trouve en France, mais pas uniquement. Est-ce que on la trouve vraiment dans tout le territoire ou elle est vraiment limitée au sud? Alors, il y a quelques années, elle était vraiment limitée sur pourtour méditerranéen, très abondante, mais vraiment limitée. Depuis une vingtaine d'années, elle est en train de vraiment monter de plus en plus. J'ai régulièrement des gens qui m'envoient des messages pour me dire « on en a observé, là il y a encore quelques jours, en Auvergne ». Ah oui. maintenant, elle remonte largement jusqu'à Lyon, l'Ardèche, elle devient de plus en plus présente, Bordeaux, la région bordelaise. Alors, j'ai quelques personnes qui me donnent des observations, parce que du coup, c'est un projet de science participative. Donc, du coup, on a fait un sondage où on demande aux gens, donc c'est le projet Géco-localisation, et on demande aux gens de nous renseigner sur la présence ou non de la tarente chez eux. Donc, vraiment, nous, on a vraiment besoin de données aussi bien de présence, mais aussi d'absence. Okay. Donc, vraiment, il ne faut pas hésiter à répondre à ce sondage, même si on n'a pas de tarente chez nous. C'est très rapide, du coup. Et donc, voilà. Donc, du coup, on a des gens qui nous disent, on l'observe, par exemple, en Bretagne. Dans ce cas, probablement que c'est une observation sporadique qui est liée vraiment peut-être au transport. Elle se déplace énormément avec les transports humains, que ce soit les trains, mais que ce soit aussi les transports de marchandises. Donc, du coup, il est vrai que on l'observe des fois de manière ponctuelle, mais dans la vallée du Rhône et dans la vallée bordelaise, là, clairement, non, c'est elle est en train vraiment de s'étendre et de s'établir. L'Auvergne, c'est quand même pas le même climat qu'à Toulouse, donc c'est impressionnant. Cette tarente, pour nos auditeurs qui ne voient pas trop à quoi ça ressemble, donc la tarente de Maurétanie, qui est donc, comme vous le disiez, un gecko, donc un reptile, la famille des lézards. Qu'est-ce qu'elle a de particulier au niveau de son aspect? Comment est-ce qu'on peut la distinguer à coup sûr des autres lézards qu'on pourrait voir sur les murs? Alors, c'est vraiment déjà physiquement... Un côté gecko, donc déjà des écailles qui sont totalement différentes de celles des lézards, qui lui donnent un aspect un petit peu rugueux. Sa particularité, c'est vraiment ses lamelles adhésives qui se retrouvent sous les pattes et qui lui permettent vraiment de se coller presque comme une ventouse sur les murs. C'est quand même un lézard qui fait une taille de quasiment 15-16 cm à l'âge adulte, donc on est quand même sur quelque chose d'assez gros. Et du coup, effectivement, elle est présente régulièrement sur les murs de la ville de Toulouse, mais d'ailleurs aussi. Et la différence aussi au niveau par rapport au lézard, c'est vraiment le comportement. C'est-à-dire que c'est plutôt un animal qu'on va voir sortir la nuit ou en fin de journée, parce que vraiment, elle va chasser la nuit, alors que le lézard va être plutôt diurne. Ok, sachant que donc c'est un animal uniquement carnivore qui mange des insectes, ou elle mange aussi des fruits, elle mange d'autres choses? Principalement, elle mange des insectes, donc okay. On la voit vraiment le soir au niveau des luminaires, parce que des lampadaires, parce que du coup, elle va vraiment se mettre là pour capturer les moustiques, enfin les larves de moustiques et autres petites bêtes. Elle peut aussi manger des petits lézards, okay, et des petites tarentes aussi. Il n'y a pas forcément. D'accord, de, voilà, pas, voilà, elle mange. Pas de pitié, pas de pitié. Donc voilà, mais principalement, ouais, c'est carnivore. Ça reste assez territorial. Ça peut se battre, hein, clairement, justement pour l'accès à la nourriture. Il n'est pas rare de voir au niveau d'un lampadaire 5, 6 tarentes qui sont en train d'essayer de prendre profiter, la même nourriture. Voilà. Donc oui, c'était ma question suivante. Si on les voit à plusieurs autour d'une source lumineuse, elles viennent toutes là parce que c'est là qu'il y a à manger. Mais est-ce que le reste du temps, elles vivent en groupe ou elles vivent toutes seules? Est-ce que l'on a ces informations-là? Alors, je n'ai pas énormément d'informations sur le comportement, mais il me semble quand même que c'est plutôt très solitaire. Okay. Et là, oui, c'est plus fortuite. En fait, c'est des rencontres fortuites, parce qu'elles doivent, ça reste extrêmement territorial. Elles vont toutes au même endroit parce que c'est le buffet, quoi. C'est ça, mais sinon, c'est ça, elles vivent chacune leur vie. Et vous parliez de bagarres. Est-ce que comment ça se manifeste? Elles font des cris? Et comment est-ce qu'elles interagissent entre elles? Alors au niveau interaction, pareil, il y a peu de choses qui sont sues. Ce qui est certain, c'est que quand elles sont apeurées, visiblement, il y a un cri strident assez que je n'ai encore jamais entendu, mais assez caractéristique. Mais c'est un cri qui est souvent observé chez beaucoup de geckos. Donc voilà. Donc effectivement, en tout cas, il peut y avoir des bagarres pour le territoire. Ça, mais c'est pas quelque chose que moi j'ai observé globalement. Elles sont plutôt posées chacune à certains endroits à proximité du lampadaire, et puis elles récupèrent leur nourriture au plus vite. Et elles sont principalement actives de nuit. Ça veut dire que le jour, elles dorment, elles sont cachées derrière nos volets ou ce genre de choses? Ah oui, on peut les voir de jour. Hein. C'est okay. Pas, Louis a fait énormément de photos sur Toulouse. Il a fait des photos de jour. Mais il faut vraiment ouvrir l'œil, alors ouais, que le soir, dès que la nuit tombe, il suffit de regarder un mur dans Toulouse, tout le centre-ville de Toulouse quasiment, et elles sont présentes de mais manière elles, abondante. Mais elles sont potentiellement actives le jour, c'est juste que nous on ne les voit pas. C'est mais ça, c'est ça. Elles sont quand même là, mais moins actives. En tout ouais, cas, le comportement de chasse se fait vraiment la nuit. Ok, d'accord. Donc on le disait, ce sont des animaux qui vivent beaucoup en ville. Est-ce qu'on a des informations sur est-ce que c'est plus le cas qu'avant? Est-ce que c'est vraiment un animal qui profite des lampadaires, de l'activité humaine? Est-ce qu'on en trouve autant? Alors ça, je ne sais pas si on a les chiffres, mais autant en milieu plus rural. Est-ce qu'on a des informations ça, entre la tarente des villes et la tarente des champs? Du coup, c'est vraiment ça le cœur aussi de notre projet. Enfin, le cœur, c'est vraiment un facteur qui nous intéresse, qui paraît hyper important. L'urbanisation paraît extrêmement importante dans la caractérisation de la présence de la tarente, surtout en France, parce qu'en Espagne, en Italie, elle est présente un peu partout. En France, il est vrai qu'on la voit beaucoup plus facilement en ville qu'à la campagne, mais elle est présente aussi néanmoins à la campagne, principalement sur des blocs rocailleux, sur des arbres. On l'a en Italie, on est très observé, beaucoup de public qui monte des observations au niveau des arbres. Donc voilà, elle est présente aussi bien dans le milieu rural qu'urbain. Je suppose que nous, en France, en milieu urbain, il est plus facile aussi de la détecter qu'en milieu rural. Et c'est pour ça que nous, dans l'étude, on est vraiment intéressés par des données de partout. De partout. Ouais. Parce que voilà, vraiment pour savoir si une maison perdue en pleine campagne, est-ce que la tarente est présente ou pas. Donc voilà, ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, elle observe beaucoup dans les milieux urbains. Elle suit vraiment, quand on regarde son expansion, elle suit vraiment les lignes de chemin de fer, ouais, que ce soit, ou les lignes de marchandises, soit la vallée du Rhône, mais la vallée pour aller jusqu'à Bordeaux, vraiment, on la retrouve à Marmande, à Agen, tous les endroits, voilà, tout le long de la ligne ferroviaire. Donc clairement, c'est une espèce qui est très dépendante de l'activité humaine. C'est pourtant une espèce qui peut avoir un peu peur de l'homme, hein, clairement, mais ça ne l'empêche pas, en tout cas, au contraire, le milieu urbain est vraiment favorable à sa présence. Mais c'est une espèce qui était là, parce qu'on parle beaucoup d'espèces exotiques. Voilà, à Toulouse, on a par exemple les perruches à collier, qui sont originaires d'Asie et d'Afrique. La tarente, à l'origine, elle vivait en France naturellement, ou est-ce que vraiment c'est une espèce qui est venue du Maghreb, du bassin méditerranéen avec l'humain? Ça, on a des sources un peu sur... Ça reste un peu flou. Ouais. Il n'empêche que globalement, je pense qu'elle a colonisé via le bassin méditerranéen. C'est une espèce qui est quand même présente, enfin oui, qui est passée via l'Espagne ou via l'Italie. Mais alors après, est-ce qu'une recolonisation là-dessus, on est vraiment complètement dans le flou, savoir si c'est une recolonisation purement naturelle ou une recolonisation liée à l'humain. Clairement, l'humain a joué un rôle dans sa présence, je suppose, dans le bassin méditerranéen. Voilà. Après, sur la présence, effectivement, dans le pourtour méditerranéen, ça fait quand même plusieurs décennies qu'elle est quand même là, dans la région de Montpellier, mais je ne pourrais pas répondre sur vraiment comment elle est exactement à l'origine, comment elle est arrivée là. c'est un animal qui peut être craintif. Est-ce que la présence de l'humain peut être dangereuse pour elle ou au final elle trouve tout ce qu'elle veut parce qu'il y a de la nourriture à foison? Il n'y a pas de problème de cohabitation en ville. Je me demandais aussi est-ce qu'elle a des prédateurs parce que bon, c'est un lézard, sachant que c'est de nuit. Les grands rapaces nocturnes, c'est quand même assez rare qu'ils s'aventurent dans les ruelles toulousaines. Donc je me demandais, oui, est-ce que, qui est-ce qu'elle peut craindre dans nos milieux urbains? Alors, dans le milieu urbain, elle peut craindre globalement l'unique prédateur, c'est le chat. Donc après, par rapport à la question sur l'activité humaine, non, je pense que oui, c'est un animal craintif. Il va pas essayer de rester à proximité de l'homme. Moi, j'en ai une là chez moi dans mon jardin. Depuis que je me suis installée, elle est beaucoup moins présente, clairement. Mais elle va éviter, je pense, le contact humain, mais ça ne va pas la déranger. Elle est actuellement en pleine expansion, donc globalement, au contraire, elle se sert vraiment de la présence humaine pour se dépasser. Je pense effectivement son principal prédateur, ce sont les chats. Les chats domestiques, ouais. Ouais. Parce que même si elle est souvent en hauteur, pour un chat un peu agile, ouais, c'est pas trop compliqué. Exactement. Non, c'est régulier que des gens me disent qu'ils ont leur chat qui a ramené une tarente, comme les chats ramènent les lézards. Et justement, la question des lézards, la tarente de Maurétanie, c'est le seul gecko que l'on trouve en France ou est-ce qu'elle a de la concurrence avec d'autres espèces de geckos qui vivent au même endroit? Alors, c'est le gecko le plus répandu. Après, okay. Je suppose qu'il doit y avoir certains autres geckos comme l'hémidactyle, qui sont peut-être présents, mais vraiment de manière hyper rare. Donc, globalement, c'est le gecko. Quand on voit un gecko en France, je pense. On ne peut pas trop se tromper. Il y a peu de chance. Okay. Ouais, il y a peu de chance. Et on parlait d'autres lézards que notamment étudie votre co-gestionnaire du projet. Est-ce qu'on sait si la tarente cohabite bien avec d'autres espèces de lézards diurnes, le lézard vert, le lézard osselet, ou est-ce qu'ils sont dans des milieux différents et vu qu'il y a cette alternance entre diurne, nocturne, au final, chacun vit sa vie sans que ça ait trop d'impact. Est-ce que l'on sait ça, s'il y a des interactions avec la tarente, avec d'autres espèces de lézards? Alors ça, c'est une question que beaucoup de gens se posent. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que ce projet, il est aussi en collaboration avec la SHF, la Société Herpétologique de France. Et donc, effectivement, c'est une question qui est ressortie souvent. Il n'y a aucune preuve actuellement qui montre que la tarente est en train de faire diminuer la présence des autres lézards, notamment selon nous, parce que effectivement les niches, c'est une question à laquelle on a beaucoup discuté avec Loïs. Effectivement, les niches sont séparées, donc il n'y a pas le même, ils sont pas sur le même niche, notamment alimentaire, donc voilà. Ils mangent des choses différentes du coup. Mais ils mangent surtout pas au même moment. Oui, donc, c'est du ça. Coup, forcément, entre jour et nuit, il y a quand même du coup pas de raison normalement qu'il y ait une. Voilà. Après, c'est vrai que c'est quelque chose qui ressort assez régulièrement. On nous pose cette question-là. En tout cas, dans les données pour l'instant, il n'y a rien qui le prouve, mais c'est une question qu'on aurait envie de réfléchir, comparer les dynamiques de présence de certains lézards et les dynamiques de présence de tarentes et voir s'il y a quelque chose qui pourrait expliquer la présence ou pas de l'une des espèces. Donc effectivement, c'est une question qui se pose, mais il n'y a pas de données à l'heure actuelle qui permettent d'aller dans ce sens-là, en tout cas. On vous laisse lézarder au soleil en profitant du bon son, tel des geckos ravis. Ne bougez pas, on revient tout de suite sur Campus. Dans mon jardin, il y a une mésange qui veut me dire quelque chose. Elle veut me dire, c'est étrange, nous mourrons tous de quelque chose. C'était Mésange, issu de l'album Déplumé par l'oiseau Ravage. Vous êtes bien sur Campus FM dans la deuxième partie de l'émission Le Nid de Pie. Et nous revoici avec notre invitée Jessica Côte, post-doctorante au laboratoire EDB, évolution et diversité biologique à l'université Paul Sabatier. Elle vient nous parler d'un projet de science participative qui s'intéresse à un charmant petit animal qui se balade sur nos murs à la belle saison, la tarente de Maurétanie. Alors, pourquoi est-ce que vous intéressez tout particulièrement à la tarente ? Qu'est-ce qu'elle a de si intéressant dans le cadre de ce projet de science participative ? Alors, déjà, elle a plusieurs choses intéressantes. La première, c'est que c'est une espèce, comme tous les reptiles, extrêmement sensible à la température. Donc, du coup, elle va être vraiment fortement influencée par le changement climatique. Et du coup, ça va directement influencer son expansion. La deuxième chose, c'est que c'est vraiment une espèce où on est en train d'observer la colonisation à notre échelle de temps. Et ça, c'est quand même, pour des chercheurs en écologie évolutive, c'est vraiment hyper intéressant pour nous. Donc là, c'est vrai qu'effectivement, moi, c'était un peu ce qui m'avait motivée. Je pense que c'était la même chose avec pour Louise. C'est vraiment de se dire... oui, effectivement, là, on la voit en fait s'étendre d'année en année. Et donc, du coup, c'est vraiment pour cela, on a vraiment le front de colonisation d'espèces sous nos yeux. Donc, c'est intéressant de caractériser cela de manière claire. Et la dernière chose, c'est que c'est vraiment une espèce, comme c'est une espèce très inféodée au milieu urbain, dans le cadre des sciences participatives, elle est vraiment hyper appropriée parce que, en fait, les gens sont vraiment intéressés. Et souvent, moi, je reçois énormément de messages de personnes qui me disent « j'ai trouvé cette espèce dans mon jardin, voilà la photo ». On sent qu'il y a un vrai intérêt de la part des gens pour ce petit gecko qui finalement vit avec eux, en fait. Il n'y a pas trop de crainte, parce que j'aurais pensé justement, vu que c'est un reptile, même si les lézards sont en général, avec les tortues, du côté les plus aimés des reptiles, sont quand même souvent des animaux que les gens préfèrent les chatons mignons en général que les geckos. Vous n'avez pas eu trop de réticence ou d'inquiétude quand vous recevez des photos, des témoignages? Les gens n'ont pas trop peur, sont pas trop inquiets que l'animal soit dangereux pour eux? Alors dans les mails et les témoignages que je reçois, pas du tout. Donc, au contraire, les gens sont plutôt oh là là, je sais pas trop quoi faire, elle va mourir, qu'est-ce que je peux faire, parce qu'effectivement il y a une forte mortalité des petits, notamment l'hiver. Donc j'ai un gecko chez moi, comment est-ce que je peux faire, bon, sachant qu'il faut que je rappelle quand même c'est une espèce protégée, donc à éviter de manipuler et surtout d'en faire l'élevage, hein, c'est interdit. Mais globalement non, c'est plutôt positif. Après, je suppose que les gens qui en ont peur ne nous contactent pas et ne répondent pas forcément au sondage. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment deux visions très tranchées sur l'espèce. Soit au contraire c'est vraiment un amour et un intérêt total, soit c'est carrément un dégoût. Effectivement, beaucoup de gens souvent se font un petit peu prendre par le nom. Beaucoup de gens, quand on parle de la tarente de Maurétanie, pensent à une araignée. Ça, c'est quelque chose qu'on m'a souvent dit. Mais autrement, effectivement, non, j'ai pas. Ah, j'ai été étonnée moi aussi, mais globalement c'est plus de l'intérêt et de la curiosité que du dégoût qu'on a pu observer. C'est positif, c'est vrai que s'il arrive à redorer un peu la vision qu'ont les gens ont des reptiles. Et vous parliez tout à l'heure des petits, est-ce que vous savez un petit peu comment ça se passe au niveau de la reproduction ? La mère s'occupe des petits ou pas du tout ? Alors, sur les soins parentaux, je ne sais pas. En tout cas, c'est sûr, ce sont des œufs qui pondent environ au printemps. Je crois qu'ils font de 1 à 5 œufs, soit sur le sol, soit dans une fissure dans un mur. Hein. C'est un petit peu un lieu de protection, les fissures dans le mur pour les tarentes. Et donc, il y a une incubation, je crois, d'environ 10 semaines à 4 mois en fonction des conditions environnementales. Ça peut être long et de l'endroit, en fait, où ils sont entreposés. Okay. Et après, ils atteignent la maturité sexuelle, globalement, le printemps suivant, très vite. Au bout d'un an. Donc au niveau des soins parentaux, je ne pense pas, mais vraiment j'ai pas de. Ouais, et puis c'est très peu étudié les soins parentaux. Voilà, exactement. On se rend compte qu'il y a quand même pas mal de lézards qui font de la protection, etc. Mais c'est vrai que c'est très peu documenté. Mais ça veut dire que les petits sont apparemment autonomes assez vite. Enfin, exactement, c'est ça. Ils sont plus petits que les adultes, mais ils vivent leur vie, ils se nourrissent tout seuls rapidement. On le voit, hein, en hiver, ça reste ceux qu'on voit quand même assez souvent, qui sont effectivement, en hiver, même en septembre-octobre, vraiment, on a un relais par rapport aux classes d'âge où on voit plus les petits qui sont effectivement, qui se nourrissent et qui vont être ceux qui vont subir la plus forte mortalité pendant l'hiver, ça c'est certain. Donc la protection, en tout cas, c'est sûr, c'est que les œufs sont protégés au moment de la ponte, que ce soit avec des écorces d'arbres ou avec des tuiles ou avec une fissure dans le mur. Globalement, ils vont pas aller pondre comme ça à la vue de tous. Et c'est vrai qu'on parle de l'hiver et comme quoi c'est compliqué pour eux, mais j'y pense, vu que ce sont des animaux qui dépendent beaucoup de la température, qui en plus se nourrissent beaucoup d'insectes, et il y en a quand même beaucoup plus en été qu'en hiver, comment ça se passe la saison froide pour eux? Ils hibernent pas, j'imagine? Ils arrivent quand même à trouver de la nourriture pendant la période froide? Je pense que c'est une phase ralentie, hein, ouais. Ça c'est certain. Globalement, ils cherchent à se protéger pendant l'hiver, donc c'est pour ça qu'ils peuvent rentrer pas mal dans les maisons. Ouais. Autrement, voilà, vraiment, on va les retrouver dans des fissures de murs, on va les retrouver énormément au niveau des toits, on va les retrouver beaucoup derrière les volets. Ouais. Ça, c'est vrai que couramment, j'ai des gens qui me disent « Ah, on a trouvé un cadavre, malheureusement, de tarentes voilà, séchées. » Ça, c'est des animaux qui sont morts pendant l'hiver et on retrouve le cadavre après. Donc voilà, donc effectivement, ils vont avoir une activité plus ralentie entre octobre et mars. Dès que les beaux jours vont revenir, comme sortir. Tous les arbres, on les voit sortir. Donc là, cette année, même, je sais que Louis en a observé au mois de décembre et quand les beaux jours étaient là. Et dès février-mars, on observait déjà une activité qui était assez importante. Pour revenir un petit peu en détail sur votre projet de suivi donc de la tarente que vous avez mis au point avec votre collègue Luis San José, comment est-ce qu'on peut participer? Est-ce que tout le monde peut participer? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous avez besoin d'une localisation? Vous avez besoin d'une photo? Vous avez besoin d'une date, d'une heure? Comment est-ce que les gens participent et quelles informations sont utiles pour vous? Alors, il y a un site qui s'appelle donc Gécolocalisation que nous avons mis en place. Sur ce site, il y a un lien pour répondre au sondage. Donc, c'est un sondage effectivement auquel tout le monde peut participer en France métropolitaine. Pour l'instant, on a vraiment focalisé notre étude à la France métropolitaine. Peut-être qu'on étendra les choses plus tard. Et donc voilà, donc tout le monde peut participer. Il y a plein de questions qui sont des questions vraiment purement effectivement de localisation. On demande l'adresse des gens qui est convertie en point GPS parce qu'on a vraiment besoin d'une localisation précise. Il y a des informations individuelles sur la maison. Est-ce que vous avez un chat? À quel étage vous vivez? Parce qu'on sait par exemple qu'on les trouve pas forcément toujours au même, on les retrouve pas proches du, voilà, au même niveau. Donc voilà, donc il y a plein de petites questions comme celle-ci. Si vous n'en avez pas, c'est très rapide, hein, ça sera deux questions. Voilà, donc tout le monde peut absolument participer et au contraire, et comme je vous dis, même si on n'a pas de tarente, c'est important de participer pour nous donner cette information aussi. Est-ce que on demande pas de, par exemple, la taille du gecko, des choses trop précises? C'est vraiment juste savoir où ils sont? Alors, c'est la première information. On pose des questions sur la taille, sur la couleur. Ça, c'est des choses pour nous qui peuvent nous apporter quelques informations. Mais pour vraiment mettre en place les modèles de distribution d'espèces qu'on va chercher à faire après, qui sont des modèles qui vont nous permettre de voir où elle présente la tarente et comment elle va s'étendre dans les années à venir. Dans ce cas-là, on a juste besoin de la présence. Beaucoup de gens nous envoient des photos, c'est très bien parce que ça nous permet vraiment de valider l'espèce. Ça peut arriver de faire une erreur, ça peut arriver. Ça nous arrive aussi. Donc, quand on n'est pas dans le milieu de l'herpétologie, c'est bien. Donc, du coup, c'est vraiment bien de nous envoyer une photo. Ce qui nous intéresserait, c'est de regarder s'il y a une variabilité de couleur ou de morphologie entre toutes ces tarentes à l'échelle de la France. Donc, du coup, voilà. Est-ce que vous avez reçu des photos qui n'étaient pas des tarentes jusqu'à présent, ou c'est quand même assez fiable? Comme vous le disiez, on peut pas trop se tromper. Vous avez quand même quelques clichés inattendus d'animaux qui n'étaient pas des tarentes. Jusqu'à présent, non. Non, j'en ai aucune photo de ce qu'on m'a envoyé. Non, même j'ai même été très étonnée parce que quelqu'un m'a dit qu'il avait vu une tarente dans le Loiret c'était récurrent. C'était pas la première observation. Et effectivement, quand il m'a envoyé la photo, c'était bien une tarente. Ouais. Ah, donc non, je pense avoir eu aucune erreur d'après ce dont je me rappelle. Non, ça veut dire que c'est un bon sujet pour des sciences participatives. Si on a peu de chances de se tromper et que ce qu'il faut, voilà, c'est juste savoir où elle est. Non, c'est top. C'est ce qui nous intéressait vraiment sur ce projet. C'est vrai qu'effectivement, pour nous, c'était vraiment l'espèce modèle intéressante pour un projet de science participative, dans lequel vraiment le citoyen peut nous apporter quelque chose rapidement. Et du coup, tout le monde est aussi gagnant sur l'information, parce que pour beaucoup de gens, c'est une découverte, en fait. Donc, complètement. Et est-ce que vous savez combien est-ce que d'observations vous avez récolté jusqu'à présent? Alors pour l'instant, on a un peu moins de 5000 observations, donc ce qui est beaucoup quand même. Voilà, ouais. On a beaucoup de gens d'une année sur l'autre qui nous donnent des informations. Alors c'est vrai que nous, on aimerait bien avoir un suivi temporel, donc vraiment que les gens n'hésitent pas à refaire le sondage d'une année sur l'autre. Ils l'ont fait en avril dernier, qu'ils n'hésitent pas de le refaire en avril prochain. Enfin voilà, donc effectivement, on a environ un peu moins de 5000 observations. Ça, c'est sachant plutôt que là, bien fonctionné. Le questionnaire, le sondage, il tourne depuis combien de temps? Alors, le questionnaire, on l'a vraiment fait tourner depuis août 2021. Ok. Ouais, donc 5000 observations, voilà. C'est quand même pas mal. Voilà, août 2021, je pense vraiment qu'il a vraiment commencé à être... Il était fonctionnel avant, ouais. Il avait vraiment tourné. Il commençait à tourner à ce moment-là. Ouais. Et la collecte des données, vous la laissez courir? Il n'y a pas de date butoir pour remplir le questionnaire? Pour l'instant, on le laisse en continu. Peut-être qu'à un moment, on l'arrêtera pour finalement prendre une autre tournure sur un autre sondage, par exemple. Dans le sondage, on demande aussi aux gens s'ils sont intéressés, enfin, s'ils acceptent que potentiellement, dans les années à venir, des chercheurs viennent chez eux pour prendre des photos. Voilà. L'idée, c'est aussi de sensibiliser les gens et voir quelles sont les personnes, dans les personnes qui répondent au questionnaire, qui peuvent être intéressées par aussi que ce soit quelque chose un peu plus pérenne et qu'on fasse un suivi vraiment régulier. Pour l'instant, on est vraiment sur quelque chose de plus général, parce que ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'avoir des informations à l'échelle nationale, et on ne pourra pas se déplacer dans toute la France. Oui, donc, voilà. Donc là, l'idée, voilà, pour l'instant, c'est vraiment d'être sur quelque chose comme ça. Peut-être, par contre, on fera évoluer le questionnaire selon les premiers résultats de modèles que nous aurons. Outre le projet de sciences participatives, est-ce que vous avez le projet, alors j'imagine que ça dépend aussi de votre temps, des financements potentiels, de coupler avec voilà, des études de terrain où vous y allez, vous faites pourquoi pas des relevés, des captures pour mesurer des animaux, etc. Ou est-ce que vous voulez vraiment que ça reste un projet de sciences participatives avec voilà, juste les participations des citoyens et citoyennes? Comment est-ce que vous voyez l'évolution de ce projet dans un futur plus ou moins proche? Alors, c'est vrai que nous, on aimerait tendre à terme sur des captures et un suivi un peu plus populationnel. Comme je vous l'ai dit, c'est pas ni pour Louis ni pour moi, ce n'est pas notre activité de recherche principale, donc c'est quelque chose qu'on fait sur notre temps libre. Donc, il faut aussi gérer les choses en fonction de cela, forcément. Clairement, c'est pour ça qu'on demande aux gens s'ils sont OK pour qu'on vienne chez eux, parce que ça nous permet quand même de gagner grandement du temps. C'est pas si facile que ça à trouver. Et puis une fois qu'on les a trouvés, il faut les attraper, les tarentes. Il faut faire les demandes d'autorisation, parce que comme c'est un animal protégé, il faut vraiment avoir ces autorisations-là. Donc en fait, effectivement, le fait que les gens acceptent qu'on vienne chez eux, ça nous permet aussi de gagner du temps sur la localisation. Donc pour l'instant, on reste vraiment sur un projet de science participative qui va s'orienter vers effectivement des photos toujours via les citoyens. Donc là vraiment, pour l'instant, c'est vraiment basé là-dessus. On n'exclut pas qu'à terme, effectivement, on réfléchisse à selon aussi nos situations de travail, parce que voilà, on est tous les deux contractuels. On n'exclut pas le fait de effectivement réfléchir à quelque chose d'un peu plus local et où vraiment on aurait une démarche de capture et de suivi. Et peut-être que, alors je ne sais pas si c'est faisable niveau mise en place, mais des partenariats, vous parliez de la Société Herpétologique de France tout à l'heure, où il y a des herpétologues amateurs, mais aussi très pros un petit peu partout, qui peuvent aussi peut-être vous aider dans cette démarche ou vous donner des données. Il y a une mise en commun, j'imagine, des données. Enfin, le sondage, là, tout le monde a accès au même, ou vous récupérez aussi des bases de données d'ailleurs? Alors, on récupère aussi effectivement des bases de données de la SHF. Des bases de données un peu partout, de gens qui, effectivement, comme vous dites, sont herpétologues et nous ont donné ces informations. Mais c'est vrai que pour l'instant, là, on se base vraiment sur le sondage, parce que toutes les données qu'on récupère sont des données uniquement d'occurrence, de présence. Ouais. Et c'est vrai que pour faire tourner les modèles, pour avoir un peu plus de robustesse, c'est quand même mieux d'avoir aussi des informations de vraie absence. Sinon, on est obligé de les générer de manière fausse, on va dire, entre guillemets. Donc voilà, c'est vrai que pour l'instant, on se base plus là-dessus. Mais effectivement, l'idée, c'est quand même de collecter le maximum d'informations. En fait, je me rends compte que sur la Tarente, il y a plein d'informations qui ont été collectées, mais ça n'a pas forcément été mis en commun. Et c'est un petit peu ce qu'on essaye de faire à notre échelle. Ah, et puis c'est vrai que la question de la couleur, de la taille, c'est vrai que ça peut être intéressant de voir est-ce qu'il y a des individus plus clairs, s'il fait plus chaud, comme on pourrait le penser. Ou... C'est vrai que... Bon. Après, c'est compliqué parce que ça veut dire qu'il faut des photos exploitables à chaque fois. La notion de taille, j'imagine que les gens n'ont pas le temps de prendre un mètre pour mesurer le gecko avant qu'il se sauve. Donc pour avoir ces informations-là, c'est plus dur. C'est pour ça qu'on voudrait passer sur ces histoires de photos. Effectivement, surtout que la coloration, aussi bien Louise que moi, c'est vraiment quelque chose qu'on étudie sur nos activités principales, surtout Louise qui lui a vraiment travaillé sur l'évolution de la décoloration dans le règne animal, sur les reptiles. Donc c'est vrai que voilà, c'est des questions qui nous intéressent. Après, pour l'instant, la mise en place est compliquée de ce point de vue-là, donc c'est des choses qu'on garde dans un coin de notre esprit. Et est-ce que vous avez déjà, alors c'est un peu tôt, hein, mais dans ces 5000 observations, est-ce que vous avez déjà pu avoir quelques informations qui ressortent? Est-ce que vous avez des individus qui sont plus au nord que ce que vous pensiez? Est-ce qu'il y a plus d'observations dans certaines zones que d'autres? Est-ce que vous avez des premières conclusions de ces premiers jeux de données que vous avez pu récupérer? Alors pour l'instant non, parce que on n'a pas encore fait tourner les modèles. C'est tout neuf. Donc voilà, c'est tout neuf. Mais par contre, c'est vrai que rien qu'au niveau des observations qu'on a, je suis vraiment très étonnée de ce que je vois par exemple en Ardèche, qui est le département d'où je viens. Effectivement, non, la Tarente, c'était complètement méconnu il y a quelques temps. Et là, je reçois régulièrement des gens qui me disent, enfin des informations de personnes qui me disent qu'ils ont observé de manière régulière le gecko dans cette région. Donc là, vraiment, effectivement, l'Auvergne, pareil, ça m'a un petit peu surpris. Ouais. On a quelques occurrences assez étonnantes. Je la voyais pas remonter si haut, si vite. Voilà. Ah, et puis vu que c'est un animal, voilà, comme vous le disiez, qui dépend des températures, Bon, sans dire du mal du climat auvergnat, il y a des étés où il fait quand même pas très chaud. Mmh. Donc pour que l'animal soit actif, puisse trouver de la nourriture, etc., mmh. c'est vrai que c'est notre paire de manches, quoi. Oui, c'est ça, c'est donc, étonnant. Voilà, à voir si maintenant c'est une observation qui va être courante. Mais déjà, c'est une observation qu'elle faisait depuis 2-3 ans, la personne qui me l'a donnée. Elle avait déjà observé les années précédentes, donc voilà. Et dans les 5000 observations que vous avez récoltées, il y a aussi les observations d'absence ou c'était vraiment les localisations d'animaux que vous aviez revues? Ah, dans les 5000 observations, il y a aussi les absences. Aussi les absences. Oui, pardon, okay. C'est 5000 personnes qui ont répondu, enfin un peu moins de 5000 personnes qui ont répondu au sondage. Oui. Donc là, concrètement, pour vous aider et pour faire avancer le projet, l'idée c'est vraiment, donc bien sûr je vais remettre tous les liens en description, donc à toutes celles et ceux qui nous entendent, n'hésitez pas, que vous ayez ou non vu un GECO, parce que tout est utile. L'idée c'est ça, c'est de recruter encore autant que possible des gens partout en France pour remplir le sondage. C'est ça voilà. Le but, l'avenir de ce projet pour le faire grossir. Exactement, et donc chez eux, hein, principalement là on demande, pour l'instant j'ai beaucoup de gens qui me répondent en me disant oui, on en a vu à tel endroit, souvent on me donne le point GPS, donc là c'est parfait, mais l'idée c'est pas non plus que ce soit compliqué pour les personnes, donc l'idée c'est que, si, que les gens répondent sur ce qu'ils observent chez eux, s'ils voient ou pas une tarente. Donc ça c'est la première chose, et après à terme ce sera effectivement de prendre des photos. Alors on croise les doigts, on touche du bois. En tout cas, merci beaucoup Jessica d'être venue répondre à mes questions et de nous avoir fait découvrir le quotidien de ce petit reptile discret. On vous envoie plein de gens, hein, donc super, à celles merci et ceux beaucoup, merci à vous. Qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller remplir le sondage, ça prend vraiment pas beaucoup de temps et ça fait avancer la science. Donc merci pour la tarente. On vous souhaite le meilleur pour ce projet et on a hâte de voir la suite. Merci beaucoup. On finit, comme d'habitude, par quelques conseils lecture. Pour conclure cette émission, je ne peux que vous pousser à participer à l'étude menée par Jessica. Pour cela, rendez-vous sur internet sur le site du projet GECO Localisation, mené par le laboratoire Évolution et Diversité Biologique et la SHF, la Société Herpétologique de France. Notez bien l'adresse, site au pluriel .google.com/view/GECO-localisation. Je vous mets bien entendu le lien directement dans la description de cet épisode. Et comme le dit si bien Jessica, tout le monde peut participer, même si vous n'avez pas de tarente chez vous, dites-le. Alors, à vos claviers. Même si je n'ai pas trouvé d'ouvrage en français entièrement dédié à notre petit GECO, j'aimerais vous présenter un bel album jeunesse qui a pour sujet les écailleux les plus surprenants de notre planète. Il s'agit du livre intitulé « Le fantastique catalogue des reptiles les plus bizarroïdes », écrit par Christina Banfi et illustré par Rosella Triomfetti. Le livre est traduit de l'italien par Emmanuel Perras et il est publié aux éditions Y Star Kids. Ce grand album au format carré vous présente en 64 pages colorées 40 espèces de reptiles dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler. Du serpent à nez de feuille qui exhibe un drôle d'appendice au bout du nez, au cordyle, un lézard épineux qui se mord le bout de la queue pour se mettre en boule en cas d'attaque, en passant par le lézard ajolote qui n'a que deux pattes avant et ressemble à un ver de terre, ou encore par le tuatara, un lézard néo-zélandais qui possède un troisième œil sur le dessus de la tête. Je peux vous dire que vous ne serez pas déçus de vos découvertes. Les dessins de Rosella Triomfetti, à la fois mignons et modernes, sont cartoon mais très précis pour reconnaître toutes les spécificités de chaque animal. Des dessins zoomés façon carnet naturaliste permettent de se concentrer sur certaines particularités. En plus d'une fiche d'identification qui mentionne nom latin, régime alimentaire, longévité et dimension, les informations scientifiques choisies avec soin sont distillées et dosées comme il faut. Le livre parfait pour s'émerveiller sur la diversité de ces animaux mal aimés. C'est un gros coup de cœur pour moi. Et c'est déjà la fin de notre émission. Un grand merci à Thomas Delafosse à la technique, à toute l'équipe de Campus FM, et merci à vous d'avoir été au rendez-vous.